suis affilié. Tant pis pour toi, ils vont te juger pour ta couleur de peau. La mafia, la rue, la vraie. Fils, tu vas vivre la douleur du pauvre. Jeune et déterre, jeune et déterre. Jamais tu saignes devant eux, tu le sais. Jamais tu veux que les ennemis le sachent. Jamais tu veux regarder leur attaque, mais sois pieux quand même. Crois-moi, je t'ai tant aimé. T'es pas comme les autres, merde. Tu te soucies de l'être humain. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Pas tes potes, pas ces lâches, pas ces billaches, assez barge, assez calme, assez bête, assez nia. T'es malhonnête. C'est pas si grave, hein, vu les montagnes que tu gravis. Respecte les gravons, parfois tu perds, c'est rien. Mais il faut que demain tu te lèves, tu réessayes, tu persévères, hein, comme si c'était personnel. Ne laisse personne te dire que t'es un vilain personnage. Car celui qui se perd d'illusion peut y perdre son âme. Y'avait personne pour moi, ça forge la personnalité. Joue pas l'enfant gâté, j'avais pas ta scolarité. Y'a rien à dire, je me répète. À défaut de l'avoir entendu, j'ai le front ridé comme mon père. J'ai le profit de ce que j'ai vendu. T'inquiète, y'a pas de malentendu. J'ai le billet dans mon jean, j'ai le coffret plein dans ma main. Ouais, ton fils a bien grandi. T'inquiète, y'a pas de malentendu. J'ai le billet dans mon jean, j'ai le coffret plein dans ma main. Ouais, ton fils a bien grandi. T'inquiète, y'a pas de malentendu.